êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné nous fait goûter une bouchée de son plat favori. Et on parle littérature avec Marie-Pierre Laforce-Bourret. On a aussi une galerie d'invités spéciaux qui nous parlent de sujets variés. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 7 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et on a un gros plan, l'émission d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oh, ouais, ça te gros planifie ça, toi. Tout à fait. On est supposé recevoir Mme Roxane Dulon, qui est vice-présidente interne de l'association étudiante pour l'ergothérapie. Ergo-go-go, exactement. Ça va être aux alentours de 8h. Aux alentours de 8h15, on soit M. Jean-Michel Renaud, qui va nous parler de la formation East Road. D'ailleurs, qui fait partie de la formation East Road. Je pense qu'on va peut-être avoir une petite performance. Oh! Live dans nos studios. Ça va être bon, ça. À 7h30, on a Stéphanie Gagné, sa collègue, ton plat favori. Elle va nous présenter de la musique. Et elle va nous parler du nouveau vidéoclip de OK Go, entre autres, là-dedans. Oh, ouais! Eating and Getting, qui a été diffusé pendant le Super Bowl. Est-ce que c'est ça, Super Bowl? Oui. Et en fin d'émission, à 8h30, Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire. Donc voilà, des livres. C'est pas mal tout ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Une chronique Cynix au début de l'émission. OK, bientôt. Évidemment. Oui, mais on débute avec Ostra en musique. Voici The Choke au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. J'aime ça, Ostra, moi. Mais Ostra. Ostra que c'est bon. Oh, oh. Oh. Mmh. Intelligent, ça. Thank you.

que ça passe. Break. Wow. Borderline. Sur le rare avec WV Become the Mayor of Cannes. Tu sais, quand c'est un titre comme ça... Là, c'est le titre. Là. Il va falloir que je choisisse une chanson qui a un beau titre, c'est ça. Hein? Après ça, tu vas me parler du nom de l'artiste. Ah, oh boy. Et boy. En tout cas, ça passe. Moyen. Bof. OK. Yeah. Ouais. On prend une petite pause. On revient avec la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Enfin, du contenu qui a de l'allure. Hein, c'est ça? Va nous appeler? Ben oui. Bon, on va par téléphone. Elle va m'appeler, mais je vais lui dire de m'appeler. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Ben oui, c'est assemblage requis, une chance. Jusqu'à 9h. Hey, si c'était pas assemblage requis, qu'est-ce qu'on ferait? Ben c'est pas. Ben c'est ça que je me demande. Ben c'est pas. Je regarde ça, je fais comme, quoi? Pas d'assemblage requis à matin? Non! Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, on la fin de semaine, tu fais quoi? Je reste couché. Ouais, vendredi, je reste couché aussi. Ouais, je me lève plus tard. Ça. C'est le fun quand même. Fait que finalement, aussi bien, hey, on pourrait ne pas faire d'assemblage requis, genre jamais, mais on pourrait tout à dormir. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça. Ben non, on est ben trop là pour vous, charpie. Eh hey boy! Romantique à matin. Oh. Viens pas me dire que je suis pas romantique, toi. J'ai pas dit ça. Ouais. Rien dit. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. Fais des vrilles pour quelqu'un bi. Oh Madeleine, tu me fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. Pour une fois, m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Madeleine, elle veut que tu s'aimes en hiver. Sur l'arc-en-ciel, au Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Madeleine de Mauve. Mm-hmm. C'est le temps d'accueillir Stéphanie. Ouais, c'est ton plat favori. Yeah, Stéphanie Gagné, bonjour. Bon matin. Ça va? Oui, ça va, vous autres? Ils sont bien. Mettons, ouais. Ouais, c'est encore mettons. Ouais. Ça va bien, ça va quand même bien. Ouais. Ben, maintenant que t'es là, hein, pour nous présenter de la bonne musique et des bonnes choses, à se mettre sous le lobe d'oreille. Ouais, non, j'allais faire une analogie avec, tu sais, comme sous la dent, mais de l'oreille, mettons, je sais pas, de la musique, sous le lobe. sous le lobe. OK. Ouais. Donc, bonjour, Steph. Oui, c'est ça. Bonjour. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique, ton plat favori? Aujourd'hui, je voulais commencer par parler du nouveau vidéoclip de OK Go. Ah, ah je savais que ça allait te faire plaisir en plus. Oui. Ah, pour c'est une excellente pièce en plus. Ah oui, je sais, c'est une de mes pièces préférées de l'album. Aussi. C'est pour la chanson Needing Getting, bien évidemment sur leur troisième album, Of the Blue Color of the Sky. Quoique ça aurait été le fun d'avoir une nouvelle chanson, un futur album. Ouais. Mais bon, on va être un peu plus patient. Il faut qu'ils épuisent toutes les pièces de l'album Of the Blue Color of the Sky, je pense, avant. Oui, ça commence à dater, par exemple. Ouais. J'ai hâte d'avoir tout nouveau matériel. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, comme d'habitude, OK Go, bon, ça, il surpasse à chaque vidéoclip. Chaque fois, on est un peu à terre. Oh, ouais, la mâchoire à terre. Mm-hmm. Ah oui, c'est complètement fou. Les quatre gars sont dans une voiture. Il y a comme des tiges, je sais pas trop comment l'expliquer, des tiges qui ressemblent à des antennes de chaque côté de l'auto et sur le toit de l'auto. Ils passent dans un trajet où est-ce que les tiges frappent des instruments, ce qui fait les notes exactes de la chanson avec, mettons, une exactitude assez impressionnante. Oui, tout à fait. Ils disent que ça a pris 4 mois de préparation et 4 jours de filmage et de tout ça. Ça doit être beaucoup de travail. Ouais. Commencé par Chevrolet, évidemment, donc le budget était là aussi. Oui, c'est ça. Il y a dû avoir plusieurs prises. Ah oui. Parce qu'il faut, aller à la vitesse exacte pour que ça aille le bon tempo pour les notes. Mm-hmm. Ouais, c'est assez fou. On dit que Damien, le chanteur du groupe, a pris des leçons de comment t'appelles ça, stunt driving, de cascade. Ah ouais? Pour pouvoir conduire comme ça. Impressionnant quand même. Ouais. Ça, je savais pas. Ouais. Non, c'était impressionnant. Moi, j'ai lu qu'il y avait 288 guitares, 55 pianos et 1157 instruments faits maison. Eh boy, incroyable. Si vous voulez voir comment ils ont fait la vidéo, il y a un site web pour ça, c'est letsdothis.com. Si jamais ça vous intéresse. Cool! Ouais! Puis, on va entendre cette pièce-là à la fin de ta chronique. Bien évidemment, on va entendre la version en vidéo, donc la version du vidéoclip. Oui, avec Damien qui chante à cappella. Voilà. Et aussi, ma deuxième découverte de cette semaine, découverte assez impressionnante, j'ai vraiment, vraiment aimé la chanson, c'est un groupe de Londres qui s'appelle Citizens, point d'exclamation. Ils ont signé avec la maison de disques Kitsune, maison de disques française qui ont déjà des groupes assez connus, Block Party, Cut Copy, La Roue, Phoenix, Tudor Cinema Club. Citizens, ça peut ressembler un petit peu à du Franz Ferdinand par bout. C'est du bon pop, un peu vintage des fois. Ils ont annoncé la sortie d'un EP qui va s'appeler Reptile le 13 février. Et justement, la pièce Reptile, c'est le deuxième single du groupe. Il y avait eu True Romance il y a quelques temps. Et il y a possiblement un album complet qui va sortir d'ici la fin 2012, je l'espère, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Ça fait du bien, vu qu'on n'a pas entendu du Franz Ferdinand depuis longtemps, fait qu'il prend un peu la relève. Merveilleux, j'ai bien hâte d'entendre ça, Stéphanie. Ben, moi aussi, j'ai hâte de réentendre la pièce, c'est tellement bonne. Bon, ben, j'espère que tu vas l'écouter pendant qu'on l'a fait jouer, d'abord. C'est sûr, Internet. Ouais, c'est ça, une chance que tu as Internet, tu vas pouvoir l'entendre... Dans 2-3 minutes, fait que tu auras le temps de serrer tes affaires. Exact. C'est une blague sur le stream internet. Je fais ça souvent. Donc, on écoute OK Go avec Needing Getting, et puis on te remercie de tes merveilleux services. Oui. Service? Ouais. Ça sonne un peu bizarre, ça. Ouais, ben, en tout cas. Un petit peu. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Elle coûte cher la minute, Stéphanie, par internet. Non, c'est vrai, c'est elle qui appelle. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, on paiera pas pour ça. Oh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des pins comme ça. Eh non, Steph, tu sais bien. Voyons donc. Tu sais bien. C'est quand même bonne, par exemple. Pas pire, hein? Pas pire. Je m'améliore dans mes blagues. Réussi. Trouves-tu? Un petit peu. Un petit peu, bon. C'est comme OK Go, ils mettent de plus en plus de paquets à chaque clip pour vraiment impressionner. Ben, eux autres, c'est François, lui, ils mettent de plus en plus de son paquet sur mon paquet. Sur ses blagues. Je sais pas comment ça fait ça. On écoute OK Go Needing Getting. Merci Steph. Bye bye. Salut. Hi. Mon paquet. Ton paquet. Ah oui. Ton paquet. Your package. It's a package deal. There ain't much to stomach than pinning your hopes on a change in another. Close to the night after end. La formation Citizens et la pièce Reptile dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Merci, Steph. Steph. Oui, merci, Steph. Steph, t'es où? Parti. Bon, on a entendu OK Go et la pièce Needing Getting. Et je vous rappelle que ce vidéoclip-là, fait avec une voiture, le chanteur qui chante a cappella était aussi celui qui conduisait la voiture et qui faisait entrer les choses dans des objets pour faire de la musique. Bref, c'est difficile à comprendre. Wow, ouais. Sur assemblagerequis.com. Évidemment, sur YouTube, vous cherchez OK Go, Needing Getting, ça se fait instantané. Mais moi, si j'étais vous, je passerais par assemblagerequis.com. Tout à fait. Et je passerais visiter tous les liens. Yeah. Que là-dessus. Tous les liens. Ça pourrait être long. Avec le, tu tiens le bouton commande là, sur un Mac ou contrôle sur un PC, tu cliques sur tous les liens. OK? Ouais. Ça s'ouvre tout dans des onglets différents. C'est ça. Oh, oui. Pratique, hein, quand même. Ouais. Ah, bon. Donc, Needing Getting de OK Go. On va compléter les plats favoris de Stéphanie Gagné avec les crudités de François-Olivier Marchand. Oui, écoute, moi, c'est fort simple. Je vous avoue, je vais être honnête avec vous ce matin. Je pensais pas avoir le temps parce que à 8 heures, en fait, on reçoit l'Association des étudiants en ergothérapie. Mm-hmm. Et tout de suite après, on reçoit Jean-Michel Renaud de la formation East Road. Ouais. Donc, je m'étais rien préparé, mais j'ai goût d'entendre une pièce ce matin. Laquelle? Ouais, c'est Boxcar Racer avec le titre de la pièce, c'est There Is. Mm-hmm. Oui. Oui, oui, oui, je trouve que c'est un bon choix. Ah oui, tu vas voir, c'est excellent. Je connais pas encore, mais j'imagine. Ouais, ouais, tu connais ça, Boxcar Racer? Ah oui, tu l'as fait jouer? Je me rappelle pas. Ouais, j'en ai déjà fait jouer, ça fait longtemps par exemple. Ça doit faire longtemps. Peut-être l'année passée. Mais on parle de la session hiver 2011. Ouh! Ça fait si longtemps que ça. Bon, on écoute ça. Boxcar Racer, There Is, assemblage requis dans le plat favori. The nights we used to have, the days have come and gone. Our lives went by so fast. I faintly remember breathing on your bedroom floor, where I laid and told you, but you swear you love me more. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? There's someone out there who feels just like me. There is. Those notes you wrote me, I've kept them all. I've given a lot of thought of how to write you back this fall. With every single letter, in every single word, there will be a hidden message about a boy that loves a girl. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Or will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. Say, will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out. Boxcar Racer avec la pièce There Is. C'est quoi ça? C'est... Non, c'était, je venais juste de presser le bouton quand tu as commencé à parler. Okay. Je sais pas si la première syllabe, peut-être pas. Je pensais que tu dansais. Non, ben. C'était bon. Hey, je me retiendrais tellement. Ah ouais? Non, pas que j'aime pas ta musique, mais je ferais exprès pour essayer volontairement de ne pas danser pour ne pas être vu en train de. Ouais, c'est ça. Comme chanter, tu sais. Ouais, c'est gênant, hein? Ouais. C'est gênant chanter. Moi aussi, je suis comme pas à l'aise. Seul dans ma voiture, ça va bien, puis on dirait que je fausse pas, là. Ouais. Je suis ça comme ça. C'est ça, dans ta douche aussi, quand t'es seul. Ah non, je chante pas dans la douche. Non, moi non plus. Non. Pas de genre à ça. Ouais. Donc ça, c'était les crudités de François-Olivier Marchand, Boxcar Racer, There Is. Voilà. Mon dessert délicieux de Mathieu, évidemment, pour compléter ça. Ça date de la fin du mois de janvier. Là. C'est une petite vidéo que j'ai vue sur le site macrumors.com, un de mes sites préférés. C'est le KAIST, Institute of Information Technology Convergence, qui a posté une vidéo qui montre un prototype d'interface pour livres électroniques que je trouve vraiment cool. C'est un prototype implémenté, dans le fond, qui a été implémenté sur un... Ou implanté, en tout cas. Bref. Implanté. Implanté sur un Apple iPad. Mais vu que ça utilise des technologies particulières, ça pourrait jamais être approuvé sur l'App Store. Mais quand même, juste pour nous le montrer, c'est vraiment impressionnant. Si vous allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, c'est une façon de lire un livre électronique. Parce que c'est un livre électronique, il faut que tu fasses... Genre, tasser par la gauche pour changer de page, tasser par la droite pour changer de page par l'autre bord. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais. Tu peux pas flipper des pages comme sur un vrai livre, tu sais, puis là, changer de page. Alors que eux, c'est ça leur technologie, c'est ce qu'ils font. Tu peux, dans le fond, tasser les pages avec ton doigt, puis après ça, aller dedans, puis choisir une page, puis là, tu vois le rebord des pages dans l'application sur l'iPad. Donc, c'est vraiment super bien fait. Tu peux aussi, je pense, genre plier des coins. Attends, il l'expliquait ici, comme ça, en détail, qu'est-ce que tu pouvais faire. Tu pouvais, genre, toucher à partir du bord de l'écran. En entrant vers l'intérieur. Puis après ça, ça te montrait genre les pages telles que tu les verrais dans un vrai livre. Puis après ça, aller choisir la page que tu veux puis clac, tasser les pages. Oh. Donc, ça pourrait vraiment changer la façon qu'on lit des livres. Ça a l'air vraiment d'un livre, mais dans un iPad. Je trouve ça vraiment bien. Très bien. C'est à voir sur assemblagerequis.com. Voilà. Tu peux m'écrire les numéros de page d'un coin, ça? Wow. C'est vraiment super bien fait. C'est tout pour le plat favori de Stéphanie Gagné. Les crucifères François-Olivier. Et le dessert des yeux de Mathieu. Ouais, c'est ça. Merci surtout à Steph, hein. Oui. Parce que nous, on ne fait que compléter. Là. C'est comme, on est comme le petit side dish, là. Le petit side dish. Petite salade. Ouais. Si, c'est comme ça. On aurait aimé ça avoir une salade dans la chronique, mais il n'y a personne que son prénom rime avec salade, t'sais. Non. Non. J'y ai vraiment pensé. Moi aussi. Lady Marmalade, sûrement. Ouais, mais c'est pas. Ouais. C'est pas génial. Pas génial. On va écouter une pièce de Bravo Funken et puis on revient après ça. Avec nos invités spéciaux de la journée. On écoute le morceau Rêve Caramel, celui qu'on entend le moins souvent sur l'album Cœur Rubik de Bravo Funk. Qui sont en passant aux Francouvertes. Ah hein? Ouais? Un des seuls bons groupes d'ailleurs sur la compilation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il s'agira de toi. Si seulement je savais qui tu es. En attendant, je prends le métro, cherche des racines en plasticine dans les tunnels couleur pastel. De temps en temps, ton écho souffle à mon oreille un rêve caramel. C'était nos amis de Bravo Funkin avec Rêve Caramel. On prend une petite pause et on revient plus tard avec l'Info Campus. Et puis, c'est plein d'affaires comme ça. Du contenu, toi. Il y a aussi Marie-Pierre Laforge-Bourret qui s'en vient avec sa chronique littéraire. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 7 février. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, qu'on est de retour. Oui, exactement. Il y a une deuxième heure fort chargée aujourd'hui. Ben oui, ça n'arrêtera plus aujourd'hui. On le sait. Et présentement, en studio, on a Mme Roxane Dulon, qui est vice-présidente à l'interne pour l'Association étudiante d'ergothérapie. Bonjour, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, très bien, merci. Et puis, en fait, tu viens de parler ce matin des jeux ergophysio. Qui a eu lieu, je pense, ça fait pas si longtemps. Exactement, ça fait 3 semaines. On est allé à l'UDM. Pour, okay. Ben là, ça fait 2 ans que les Jeux renaissent. Donc, c'était à Sherbrooke l'année dernière. On est allé à Montréal. OK. Puis l'année prochaine, ça va être à Trois-Rivières qu'on va recevoir les Jeux. OK. Puis les Jeux, on va revenir un peu plus tard pour Trois-Rivières. Mais les Jeux ergo-physio, c'est quoi? Ça consiste en quoi? On sait, écoute, on connaît un peu, mettons, les jeux de la com, tu sais, un peu les épreuves, mais ergo-physio, ça peut ressembler à quoi? En fin de compte, nous, c'est vraiment plus pour faire des liens entre universités. Okay. C'est pas nécessairement des épreuves académiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est plus des sports comme adaptés. Mettons, on a basketball en fauteuil roulant, ballon chasseur costumé, puis des épreuves plus... ballon chasseur costumé? Oui, c'est ça. Oh, on essaie de faire... ça, c'est cool. On essaie de faire des choses quand même assez variées. Puis, tu sais, le but de la fin de semaine, c'est vraiment d'avoir du fun puis comme de fraterniser entre universités. OK. Les programmes d'ergo puis de fusion, on est 6 universités ensemble qui participent. OK. OK. Et puis, c'est ça, j'imagine, en fait, qu'il y a un classement. Là, vous gagnez des points par épreuve. Bien, c'est ça. En fin de compte, tout au long de la fin de semaine, avec les sports puis les autres activités, on ramasse des points par université. Puis aussi, au cours de la journée de samedi, il y a des épreuves. On va voir les bénévoles, puis on fait des petits défis qui peuvent être pas mal n'importe quoi. Comme cette année, il y avait nommé des personnages Harry Potter, chanter des chansons de Marie-Mé. Mathieu Plante aurait été bon ben oui. pour chanter les chansons de Marie-Mé. Il y en a au moins une que je connais, moi, là-dedans, je pense. Non, c'est ça, avec ça, on se ramasse des points. Puis là, c'est ça, en fin de compte, ça nous donne un classement pour déterminer c'est qui l'école qui va gagner les jeux. OK. Et puis cette année, vous avez terminé Troisième. Troisième, c'est quand même bien. Et c'est ça, tu me faisais remarquer aussi que je connaissais pas le programme d'ergothérapie ici. Non, exactement. Donc, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait ergothérapie à l'UQTR, eh bien oui, nous sommes là. Non, c'est ça, on n'entend pas parler. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ouais. Ben, on est souvent un peu exclus dans notre pavillon de la santé, là, mais c'est ça, vous êtes dans le pavillon de la santé. Ouais. Tous vos cours se déroulent là. Oui, c'est ça, on est pas mal tout le temps là. Puis, on espère qu'avec les jeux l'année prochaine, ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité pour notre programme parce que, justement, les gens nous connaissent pas vraiment. Mais c'est ça, tu parles. L'année prochaine, en fait, c'est l'UQTR qui accueille les jeux. Ouais. C'est vous autres. Mm-hmm. Ça se déroule où? Ça se déroule quand? Ça va se dérouler au mois de février, au début février en 2013. Mais on n'a pas encore vraiment... on n'a pas encore non plus vraiment où ça va se dérouler dans Trois-Rivières parce que c'est quand même un événement qui rassemble 800 personnes environ. Hey, t'as quand même, OK. Fait que c'est justement, il faut qu'on regarde un peu pour l'hébergement, les locaux, où est-ce qu'on va faire ça. Donc, vu que beaucoup de planification. Oui, exactement. C'est pas encore un peu comment s'enligner. Là, ça s'en vient tranquillement. OK, formidable. Et puis, on peut s'attendre à quoi un peu? Vous allez monter, en fait, des épreuves. C'est un peu le même principe que les autres jeux. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe. Il y a un party le vendredi soir, le samedi soir. Dans la journée du samedi, c'est plus des épreuves pour ramasser des points. Puis, il y a la cérémonie de clôture le dimanche pour déterminer c'est qui les gagnants. OK, formidable. Et avec ça, en fait, vous allez, j'imagine, avoir un grand besoin de bénévoles. Oui, exactement. C'est sûr que nous, ici, on n'a pas de programme de physio. Donc, on est déjà moins partant. Puis aussi, comparativement, mettons, à Laval puis Montréal, qui sont des cohortes d'une centaine d'étudiants. Ici, on est juste 35 par cohorte. Donc, c'est sûr que si on veut avoir des participants, il va falloir qu'on ait d'autres programmes qui viennent nous aider. C'est sûr que là, il est un peu tôt, mais au mois de septembre-octobre l'année prochaine, on va lancer un appel à tous s'il y a des gens qui veulent venir nous aider. Parfait. Écoute, septembre-octobre, on marque ça dans notre agenda et tu viendras nous en reparler. Ben oui. Assemblage Reiki. T'as pas le choix. OK. On devrait être là, nous. C'est bon. T'as pas le choix. Et puis, écoute, formidable. Je sais pas, y a-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Pas vraiment. Là, c'est ça, justement, pour ceux qui seraient intéressés à être bénévoles, c'est sûr qu'on a besoin de quand même beaucoup de gens. Puis, tu sais, c'est une fin de semaine qui est vraiment le fun. Ouais, ça doit être extra dynamique, là. Ça doit être beaucoup de... Ouais, exactement. Là, tout le monde s'aime, tout le monde a du fun. Puis, c'est sûr que les bénévoles, on va essayer de... C'est qu'il y ait un accès au party qui paye vraiment pas cher ou qui ait des avantages. Donc, ça va être vraiment intéressant. Formidable. Ben, merci beaucoup, Mme Dulon. Ben, merci à vous. Merci. Fort sympathique. Oui, tout à fait. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Vous aussi. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On s'en va entendre The Bar Brothers avec leur merveilleux extrait Give the Devil Back His Heart. Et après ça, on parle avec quelqu'un du groupe East Road. On va les entendre jouer. Il y en a sa guitare, je l'ai vu. Dur à cacher, en même temps, studio très petit. On la voit. Elle se plante de grands yeux. Grands yeux, brun. Et. Mom. Give the Devil Back His Heart de The Bar Brothers à Assemblage Requis. Que c'est donc bon ça, François. Oui, c'est excellent. Oh oui, on aime ça. On aime ça. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis, il est 8h15 environ. Et François, on a un invité spécial en studio. Oui, exactement. Monsieur Jean-Michel Renaud, bon matin. Bon matin. Bonjour. Jean-Michel Renaud qui est en fait le leader de la formation East Road. East Road, justement, en fait, là, qui est dans ce projet-là? OK. Mais dans East Road, on est trois. OK, vous êtes trois. Power Trio. Power Trio. Ça rentre tout dans un char avec tout le gear. Ça, c'est pratique. De la place. Oui, c'est ça. On est rendu là. En fait, il y a un gars qui s'appelle Pete Petel. Lui, il joue du drum. Il a joué avec Elephantine dans le temps, avec Our Book and the Authors, Max Bananas, une couple de projets. Lui, il est à Montréal. OK. Il y a aussi Rami Renaud qui joue de la basse. Okay. C'est ton frère ou parenté? Non, lui c'est Renaud, R-E-N-N-O. Ah, ok. C'est d'origine libanaise. Ok. Puis, tandis que toi c'est Renaud, R-E-N-A-U-D. Exactement. Classique. Ouais. Classique, super classique. Super classique. Puis lui joue la basse, puis il y a moi qui joue guitare et voix et tralala. Ok, formidable. East Road, le nom vient d'où? Ben la route de l'Est en fait c'est que... Il y a beaucoup des chansons de ce projet-là qui sont nées d'un trip qu'on a fait, moi et Rami, aux Îles-de-la-Madeleine. OK. Beau petit coin. Moi, je viens de là, en fait. Je suis aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que, dans le fond, on était là juste pour changer les idées. On a amené la guitare à la base, puis le projet Eastward a commencé là. Puis l'année d'après, j'ai fait la même chose avec Pete. Fait que... Ah ouais, vrai? Ah ouais, c'est ça. Fait que chaque année, là, on est rendu l'année prochaine à y aller les trois ensemble. Okay. On va vraiment souder le tout. Mais c'est de là qu'Eastward vient. C'est la route vers... la côte Est. Et ça fait combien de temps que vous êtes. Que ça s'appelle East Road, que vous faites. Ben en fait, ça fait pas mal. Qu'on joue les trois ensemble. Ouais. Ça fait faire à peu près un an, là, bientôt. Okay. Puis, on a travaillé vraiment fort toute l'année, là. Puis, ouais, là, un album qui est prêt. C'est sûr, il y a un album qui s'en vient? Ouais, d'après moi, ça devrait sortir fin du printemps, début l'été, quelque chose comme ça. Okay. Mais les tracks sont finis. Avril-mai? Ouais, peut-être. Ouais, d'habitude, c'est mieux ça, avril-mai. Hein. Que juin, là, mais ouais, ça devrait sortir dans ces eaux-là. On peut dire que vous êtes signé. On peut dire que ça s'en vient. OK, ouais. ça s'en vient. Okay, c'est bon. Sans plus de détails. Ouais. Presque signé. Ouais. Formidable. Écoute, y a-tu des spectacles? Hein, si on veut voir, ça se passe où? Ça se passe quand? En fait, il y a Jean-Michel Renaud en solo très bientôt. OK. à Montréal en fin de semaine. Okay. Après ça, à Saint-Élie le 25. Jean-Michel Renaud? Solo, en fait, est-ce que tu joues quand même des pièces de East Road? En fait, non, parce que moi, je suis comme une machine à écrire des tunes. Okay. J'ai tout le temps des tunes. Fait que faut que j'aille des fois une couple de shows pour essayer les nouvelles tunes. Okay. Puis sinon, c'est parce que présentement, Rami, il est en Australie où il part dans quelques minutes. Salut Rami, si tu t'en vas. Dans l'avion, là. Ouais, je sais pas trop, il est en Australie, là, tu sais. Okay. Puis sinon, les shows d'East Road vont plus être au mois de mars. Il y en a. Dans ce mode album, dans ce coin-là. Ça, un petit peu plus à la fin là, du printemps, mais sinon, Montréal, Victo, Sherbrooke, Trois-Rivières, Jaoui. Ça va se faire, là. OK, formidable. On va venir au courant. Ouais, c'est ça, exactement. Yeah, écoute. Yeah. On veut. D'ailleurs, votre extrait Long Way To Go. Oui, exactement. Merci, Mathieu. Et sur le palmarès, ça se déroule bien. Ouais. En anglophone, oui, ça n'arrête pas de monter. Bon. Mais c'est, on le fait tout le temps jouer, c'est normal. Vous êtes vraiment hâte, c'est fou. C'est ça. On est là pour ça. We love you. C'est quoi vos inspirations, mettons, en termes de groupe? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Ben ça, c'est une bonne question. Moi, ça change pas mal, mais je conduisais ce matin en venant ici avec le lever du soleil on the Highway 55. Ça fait beaucoup plus haute en anglais, comme toujours. Ben oui, tu sais, l'autoroute Félix Leclerc, là, c'est le fun. Là, mais, c'est ainsi, j'écoute deux gars qui s'appellent... un qui s'appelle Scott Matthews, c'est un gars qui vient d'Angleterre, puis ça me fait capoter depuis des années. J'écoute ça, c'est du bon folk avec des bons arrangements. Puis un autre gars qui s'appelle Cass McCombs. En fait, je vous dis ces deux-là parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça, puis il faut les connaître. Exactement. Ouais. Cass McCombs puis Scott Matthews à retenir. C'est un peu, en fait, tes influences, j'imagine. C'est mes influences de la semaine, ça, c'est sûr. OK, ça change beaucoup. Ouais. Mais sinon, tu sais, le classique Nick Drake, là. OK. Okay. Puis d'ailleurs, on entendait les Barbellers que j'aime vraiment beaucoup. Super. Juste avant. Ah, si les gens veulent aller entendre plus de pièces de toi, entre autres, j'ai vu que tu avais un MySpace, Jean-Michel Renaud. Ouais, il devrait pas être tout à fait à jour, mais je pense que c'est bon. Sinon, il y a eastroad.bandcamp.com. OK, parfait. Ça, c'est le classique qui est bon. Puis sinon, Facebook. Ouais, Facebook, groupe Jean-Michel Renaud, il y a plein d'extraits de PUC de Eastroad. Merveilleux, merveilleux, super. Je pense qu'on devrait tout de suite aller entendre toi en train de nous jouer ça dans les oreilles. Ben, je vais vous faire ça. Ce serait bon, ça? Ça vous tente-tu? Ben oui, certainement. C'est quoi la pièce que tu me fais? Ben, je sais pas, là. J'ai pas encore tout pensé à ça. On va voir, je vais faire le premier accord, puis ça va m'amener quelque part, mais c'est toi, c'est une tune qui parle du cycle des choses qui restent et qui partent. OK. Et t'as ben ouais, fait que je fais ça, les gars. C'est parti. Summer it is nearly gone. It went so fast. Summer it is nearly gone. Wish it could have lasted. But joy, joy, joy. Joy doesn't live, it don't live in the past. So if I'm leaving down south, will you come? Will you come with me? If I leaving down south, will you come? Will you come with me? I will be free, free and be. Where we'll be free, free to be. I woke up with memories of your smiling face. I couldn't let them go away. The sun was shining, sparkling on the lake. I couldn't let them go away. Will you love your sweet love? Yes, it follows me day after day. If I'm leaving down south, will you come? You come with me. If I'm leaving down south, we'll be free, free to be. We'll be free, free to be. Yeah! C'était donc bien bon, ça. Hey, ça sonnait super bien. Parfait. Formidable. Rock on, rock on. Ouais. Ça s'appelle wow. Free to be, en fait, je pense. Comment? Free to be? Le nom? Free to be, je pense que c'est ça. On va donner ça, le nom de cette tune. OK. Bon, on vient de nommer une chanson live en direct dans le studio. Hey, faut bien qu'on s'appelle. Hey, c'est excellent, pour vrai. Vraiment. Je suis vraiment content. Ça fait du bien le matin. Wow! Cool. Ben ouais, c'est un peu, tu sais, c'est du bon folk, le feeling le matin. Là, ça repart tout ça d'une belle manière. C'est merveilleux. Donc, Jean-Michel Renaud de la formation East Road. Merci beaucoup. On rappelle ben oui, qu'on attend votre CD. On attend. Certains, on va venir vous mener ça direct quand ça va puis sortir. Écoute, s'il y a d'autres choses, écoute, ça te tente, tu repasses dans le coin, venir faire une toune le matin. Là. Ouais. Et en plus, les gars, on va faire un vinyle. Ah ouais, pour vrai, hein? Oh! Hey, c'est parfait, ça. Oh, c'est cool, ça. Ouais, c'est très cool, ça. Oh, wow. Comme ça va bien? Ouais. Les choses pour le mien. Ouais. En tout cas, je voulais vous dire que c'est sûr que les gars, la prochaine fois, on les amènera, là, Rami puis Pete, là, je les aime, mes deux musiciens. Là. Mais qu'ils reviennent d'Australie, là. Ouais, puis Pete, là, on va s'arranger une petite affaire bien live, là, acoustique, toute la bande. Ah, ça sera fun. Un beau trip de matin, on fera ça. Parfait. Wow. Génial. Jean-Michel Renaud de la formation East Road, merci beaucoup. Tu nous as laissé une pièce qu'on n'a jamais entendue, qui est préenregistrée, celle-là qui est sur. Ouais, ça, c'est une chanson qui s'appelle Early Riser, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Yeah! C'est dédié à nous, c'est ça que tu veux dire? Ben, à tout le monde, à tous nous trois, certains. Ben non, c'est écrit pour nous autres. C'est clair que c'est écrit pour nous autres. Et tous les auditeurs de C'est Fou. Ah, c'est vrai, les auditeurs. À cette heure-là. Ouais. Ils sont fins, nos auditeurs. Nos requins, qu'on les appelle. Ouais, les requins. Assemblage requis, les requins. I'm an easy rider.

Hein, ça te brasse dans le cabanon, cabanon. Cabernet Sauvignon, ça? Hein? Je te l'avais dit. Duchess says. Hey, c'est bon, c'est bon. Ben, je t'avais déjà entendu au palmarès dire que oh, ça rentrait et que t'aimais donc ça. Ouais, c'est ça. On dirait que moi, les affaires qui rentrent, ça. Quoi? Hein? Tu t'exclamais de jouer. Ouais, c'est ça. Une chance que t'as rien dit sur ce que je viens de dire. Là. Non, non. Tout ce qui rentre doit ressortir un jour ou l'autre. T'en avais pas parlé, puis c'était correct. Tu sais. T'en parles pour en dire bon, pas correct. Bon. Hey, François, pas fier de toi. Mathieu Plante. Pas fier de toi, bon tout. Maintenant, on va remonter un petit peu le niveau de, premièrement, de crédibilité. Ça ferait du bien. De l'émission. Un peu de sérieux, comme on dit tout le temps. S'il vous plaît. C'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Ouvre-toi l'esprit. Ah, bonjour! Allô. Bonjour! Ça va? Mathieu me met en onde avant que je sois assise. Ben oui, mais c'est une petite intro pareille, c'est correct ça. T'as plus tes clochettes, hein? Ouais, maintenant que j'ai plus mes clochettes, mais j'aurais même pas entendu, j'avais pas encore mis ses clochettes. Oh! Okay. Hey, ça se peut-tu, hein? Yep. Ouais. Ah. Donc, Marie-Pierre Laforge-Bourret, aux deux semaines, tu nous présentes normalement un livre. Je sais que tu as abordé d'autres sujets par les semaines passées. Tu as abordé la censure. Oui, entre autres, j'avais abordé la censure au Québec, au niveau du cinéma et également un peu partout en France au 17e siècle. Donc, j'avais un peu touché à tout. Et l'autre semaine d'avant, le livre qui m'avait inspiré ma chronique sur la censure, c'était Madame Bovary de Flaubert, parce que ce livre-là, c'était pas certain qu'il allait passer au conseil, on va dire ça comme ça, parce que il y avait une héroïne qui était pas censurée, qui était pas l'auteur allait dans le sens de son héroïne et l'héroïne avait des relations adultères et il la punissait pas. C'est ça. Méchant. Méchant. Méchant. J'ai de la misère à trouver ma page. Ah, voilà. Ah, la voilà. Elle vient de te sauter dessus. Hein. Okay. Oui. Je vous parle aujourd'hui de La mort d'Ivan Illich, qui est un roman de Léon Tolstoï, qui est un russe. Okay. Et ce roman-là, je dis ce roman-là, mais c'est plutôt une nouvelle, parce que c'est une courte histoire, et c'est paru en 1886. OK. Donc, il y a de cela siècle et demi. Ouais, ça fait... On va dire ça comme ça. Le siècle est court. Oui. un petit portrait de Léon Tolstoï, lui, dans ses œuvres, il va souvent toucher... il va avoir une orientation philosophique un petit peu. Et, mélangeant littérature, philosophie, réflexion. Et dans ses œuvres les plus populaires, qui ont été les plus marquantes, il y a entre autres « Guerre et paix », qui est un roman réaliste qui parle de la guerre autour de 1800, autour de ça, 1800-1900. Et il y a également Anna Karénine, qui est un roman qui a été très populaire. Donc, les gens qui ont déjà lu un peu de littérature russe vont probablement savoir ces romans-là. Ils vont en avoir au moins une idée. Il a également écrit beaucoup de nouvelles, donc des courtes histoires. Il a écrit du théâtre, de l'autobiographie et aussi quelques essais. Donc, il a un peu touché à tout. Et pour ce qui est de la mort d'Ivan Illich, c'est... l'histoire ouvre. Avant de vous dire quoi que ce soit, je pense que je vais vous lire l'extrait. Ah, OK. Ça va tout dire. Ouais. Dès le départ. On aime ça. Si la page te saute d'en face. Elle est déjà dans mon visage. OK, blablabla. Dans le grand bâtiment du palais de justice, lors d'une suspension d'audience de l'affaire Melvinsky, les juges et le procureur se retrouvèrent dans le cabinet d'Ivan Yegorovitch Tchebek et la conversation tomba sur le procès Krasovski. Fiodor Vassilievitch s'était échauffé pour démontrer l'incompétence du tribunal. Ivan Yegorovitch restait sur ses positions et Piotr Ivanovitch, dès le début absent du débat, se tenait à l'écart et feuilletait la gazette qu'on venait d'apporter. « Ah, messieurs, dit-il, Ivan Illich est mort. Est-ce possible? » « Eh bien, lisez ça, » dit-il à Fiodor Vassilievitch en lui tendant le journal qui sentait encore l'angle d'imprimerie. On pouvait y lire, dans un cadre noir, « Praskovia Fyodorovna Golovine, à l'immense douleur de faire part à ses parents et amis du décès de son époux bien-aimé, conseiller à la cour d'appel, Ivan Illich Golovine, survenu le 4 février 1882, levé du corps vendredi à 1h de l'après-midi. » Ivan Illich était le collègue des messieurs ici réunis qui tous l'aimaient. Il était malade depuis quelques semaines. On disait que son mal était incurable. Il avait conservé son poste, mais les supputations allaient bon train. S'il décédait, Alexiev pouvait être nommé à sa place et il serait lui-même remplacé soit par Vikinov ou par Shtabov. Si bien qu'apprenant la mort d'Ivan Illich, chacun de ces messieurs rassemblés dans ce cabinet pensant en premier lieu à l'importance qu'aurait ce décès sur sa propre personne ou pour ses collègues au plan des mutations et de l'avancement. Maintenant, j'aurai certainement le poste de Shtabel ou de Vikinov, se dit Fyodor Vassilievitch. On me l'a promis depuis longtemps, et cet avancement me donnera 800 roubles d'augmentation, sans compter les indemnités. Il faudra à présent s'occuper de la mutation du beau-frère de Kalouga, pensa Piotr Ivanovitch. Ma femme va être très contente, elle ne pourra plus dire que je n'ai jamais rien fait pour sa famille. Je savais bien qu'il ne s'en relèverait pas, dit-il à haute voix. C'est dommage. Mais qu'avait-il au juste? Les médecins n'ont pas trouvé, ou plutôt si, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais l'impression qu'il guérirait. Et moi qui suis restée sans le voir depuis les fêtes, ce n'est pas faute d'avoir pensé à lui. Est-ce qu'il avait de la fortune? Oh, un tout petit quelque chose, je crois, du côté de sa femme. Quasiment rien. Oui, il faudra y aller. Ils se mirent à parler des longues distances qu'on doit parcourir en ville, puis retournèrent à l'audience. Outre les perspectives de mutation et de changement que le décès avait ouvertes à chacun, comme toujours, le fait même de la mort d'une personne proche fit naître chez tous ceux qui l'apprirent la joie de se dire que le défunt, c'était lui et pas eux. « Tiens, il est mort, lui. Mais pas moi », pensa et ressentit chacun. Les proches connaissances, les amis, comme on dit, d'Ivan Illich, ne purent s'empêcher de penser aussi qu'il leur faudrait maintenant satisfaire au devoir fort ennuyeux des convenances, assister aux services funèbres et faire à la veuve une visite de condoléances. Fin de la citation. Formidable. Beaucoup de noms compliqués. Oui, ben, très bien parce c'est, que... c'est des noms. Je les ai pratiqués au moins une fois avant de dire parce que. Quand même. T'es lit, t'as une crampe de cerveau. Quand t'essaies de le faire sortir de ta bouche, ça fait la même chose. Faut que tu prennes une pause à chaque fois que t'as lu un nom. Je trouvais ça remarquable. Oui, bravo. Mais donc, comme vous pouvez voir, on apprend dès le départ la mort d'Ivan Illich, ce qui n'est pas très surprenant. C'est le titre du livre. Hein? Oui, c'est sûr. Yes. Mais bon, on voit que dès l'entrée de jeu, c'est la mort. Bon. C'est comme un peu dramatique, mais les personnages ils disent « Ouf, c'est lui qui est mort, c'est pas moi. » Donc, ils sont un peu contents de ça, ils se croient un peu invincibles. Ouais. Et ça revient tout au long du roman, de la nouvelle. Bon, l'idée que nous, on s'en sauve, mais c'est pas les autres. La mort, c'est pour les autres. Et bon, dans cette histoire-là, bon, le premier chapitre, on voit la mort d'Ivan Illich, ses amis qui vont voir sa femme... mais qui est rendu là-bas, oui, ils pensent à aller dire leurs condoléances, mais ils pensent à la partie de cartes qu'ils vont jouer après. Ouais. Donc, tu sais, ils essayent de dédramatiser ça un tout petit peu. Et bon, c'est la mort dans le premier chapitre, mais ensuite, dans les chapitres suivants, on revient en arrière. Donc, on voit l'enfance d'Ivan Illich, ses ambitions, sa montée. Donc, il a fait des études en droit, il habitait dans une ville, il s'est fait un cercle d'amis haut placé, comment il a rencontré sa femme, les débuts heureux, la suite un peu plus malheureuse. Donc, on voit sa vie comme ça au fur et à mesure. Et par exemple, son amour du jeu de cartes, le whist, on voit tout ça. Et rendu à un certain chapitre, à un moment donné... oui, il est bien placé dans une ville, il a un bon travail, tout ça, mais lui, il voudrait plus, il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. Et il arrive à avoir un poste dans une grande ville, qu'on imagine être Saint-Pétersbourg, et il réussit à avoir le poste. Et là, c'est alors que ça allait pas super bien avec sa famille, il voit ça comme une occasion de raviver la flamme. Parce que bon, il a deux enfants, sa femme qui a l'air d'être la chialeuse par excellence. Et, bon, on ne connaît pas ça, les filles chialeuses. Ah non, elle, ça a l'air d'être un cas. Et bon, il arrive dans une nouvelle ville et lui, il installe l'appartement. Bon, ça lui fait quelque chose à penser et il oublie un peu, pas ses ambitions, mais son travail parce qu'il était beaucoup fixé sur le travail et là, il pense à autre chose. Mais à un certain moment, en installant des rideaux, quelque chose comme ça, il tombe et il se fait mal à une côte. Et ça reste là. Mais on se rend compte dans les chapitres suivants, donc la deuxième moitié du livre, cette douleur-là à la côte est comme ravivée. Et... il croit qu'il va en mourir. Et là, il ne sait pas ce qu'il a. Il consulte les médecins et tout ça. Et pendant la moitié du livre, c'est son agonie. Donc, tout doucement, il décrépit jusqu'à la mort. Ah, on ne sait pas exactement. Parce qu'il va voir les médecins et les médecins ne sont pas capables de dire ce qu'il a vraiment. C'est plus mental, non? On le sait pas. En fait, il n'y a vraiment rien d'expliqué. Okay. Tu te dis, bon, ça peut peut-être être... le cancer. Moi, c'était mon opinion, mais tu sais, à l'époque, en 1880, est-ce que la médecine était vraiment avancée pour ça? Ouais, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment... Ça comme ça. Ouais, mais c'est si ça. S'il y en avait. Disait, c'est quoi, le foie qui a décollé, tu sais, le foie flottant. Ah, okay. Donc, lui, il s'imagine en train de recoller son foie dans son corps. Il dit, ça va marcher, je vais guérir. Donc, c'est un peu ça, l'histoire. Dans le fond, du début de la vie d'Ivan Illich jusqu'à sa mort à la toute fin. Et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés parce que lui, il sait qu'il est malade, qu'il va pas bien, qu'il se sent faiblir. Et sa famille autour de lui fait comme si de rien n'était. Donc, il chiale, il prend pas ses pilules aux bonnes heures, il se couche pas à l'heure que le médecin lui a dit. Donc, comme s'il y avait un gros mensonge qui tournait autour de ça. Et c'est une histoire, oui, ça sonne un peu dramatique comme ça, mais il y a un peu une touche d'humour dans le sens que les personnages, juste au début, au funérailles, ils se voient dans l'escalier puis ils ont l'impression qu'ils se comprennent, mais de la manière que c'est dit, ça apporte un petit côté comique. Il y a des petites scènes à un certain moment. Pendant les funérailles, au début, il y a un ami qui s'en va voir la veuve et il y a comme un genre de quiproquo. La femme accroche sa robe noire dans une table. Là, le gars essaye de l'aider. Mais tu sais, donc, il y a tout le temps, pas une petite ambiguïté, là, mais c'est difficile à décrire. Il faut vraiment le lire pour le comprendre. Et ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup penser. Moi, j'en ai lu quelques-uns, romans russes, et c'est comme une certaine ambiance qui reste, en fait, parce que, bon, Ivan Illich était fonctionnaire, il était juge à la cour d'appel, et dans plusieurs nouvelles ou romans russes que j'ai lus, les personnages, c'est des fonctionnaires. Et on dirait qu'ils ne font que ça. Donc, il y avait un autre livre, c'était une petite nouvelle toute courte, ça s'appelait Le Manteau, c'était de Gogol. Je me souviens son prénom, là, mais son nom de famille, c'est Gogol. Et l'homme, c'est tout un fonctionnaire qui cherchait à se ramasser de l'argent pour s'acheter un manteau. Mm-hmm. Donc, tu sais, tout le temps, l'ambiance un peu spéciale. C'est difficile à décrire. Il faut vraiment le lire pour comprendre un peu c'est quoi. Et moi, c'est un livre que c'était la deuxième fois que je le lisais parce que je l'avais lu il y a de ça à peu près 3 ans. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait accroché. Puis j'étais pas capable de dire quoi. Mais en fait, je crois que c'est la manière que l'histoire est tournée. Donc, il y a quelque chose de dramatique, mais en même temps, tu sais pas trop pour qui prendre. T'sais, tu te dis, OK, ben, t'as de la sympathie envers Ivan Illich, mais en même temps, tu te dis, bon, il exagère peut-être un petit peu. T'sais, tu le sais pas trop. C'est tout le temps une petite ambiguïté. Et moi, c'est ce que j'avais aimé, je crois. Et en plus, regardez ça, là, c'est moins de 100 pages. Ça se lit facilement non, une ça, journée. Non, c'est ça, c'est une demi-heure, ça. Ben non, c'est peut-être 3 heures, okay. Là, quand tu lis vite. Là. Donc, c'est une agréable lecture, même si ça a l'air un petit peu dramatique. Mm-hmm. Et je vais terminer en vous lisant un extrait. Bon, je vous avais dit que les personnages ont l'impression que la mort, c'est pas pour eux. Mm-hmm. Et ça, c'est très bien illustré dans le passage que je vais vous lire, qui est à peu près en plein milieu du roman, de la nouvelle. Pas de punch là, de la fin du livre, quand même. Non, non, non. Hey. De toute façon, c'est déjà qui meurt. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a un plus gros punch que ça? Non, voilà. Ivan Illich se voyait mourir et le désespoir ne le quittait plus. Au tréfonds de lui-même, Ivan Illich savait qu'il se mourait, mais il n'arrivait pas à se faire à cette idée. Il ne la comprenait absolument pas. Il était dans l'impossibilité de la comprendre. L'exemple de syllogisme qu'il avait épris dans la logique de « Qu'est-ce que c'est water? » Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel. Lui avait paru toute sa vie juste par rapport au seul Caius, mais pas pour lui. Là, il s'agissait de l'homme Caius, de l'homme en général, et c'était parfaitement juste. Mais lui, il n'était pas Caius et pas du tout l'homme en général. Il avait toujours été un être à part, tout à fait à part des autres. Il était le Vania de maman, de papa, de Mitya et de Volodia, avec ses jouets, le cocher, la bonne, puis avec Katienka, avec toutes les joies, les chagrins, les exaltations de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Était-elle pour Caius, l'odeur de ce petit ballon de cuir qu'aimait tant Vania? Caius baisait-il ainsi la main de sa mère? Était-ce pour Caius, le froufrou de la soie de la robe plissée? Était-ce lui, Caius, qui avait protesté à l'école contre le droit à cause des petits pâtés? Caius avait-il été amoureux comme lui? Caius pouvait-il diriger une audience comme lui? Caius, à coup sûr, est mortel. Il est juste qu'il meurt. Mais moi, Vania, Ivan Illich, avec tous mes sentiments, mes pensées, c'est autre chose. Il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop horrible. Voilà ce qu'il ressentait. Si moi aussi j'avais à mourir comme Caius, je le saurais. Ma voix intérieure me le dirait. Or, je ne l'ai jamais entendu. Moi et mes amis aussi, nous comprenions que ce n'était pas du tout le même cas que Caius. Et maintenant, ça, se disait-il, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais cela est. Alors quoi? Comment comprendre ça? Donc, on voit qu'il se questionne beaucoup, puis il a l'impression que la mort est totalement... Parce qu'il est donc spécial. Parce qu'il est donc spécial. Mais donc, c'est, oui, il est conscient que la mort, c'est tout le monde, ça va arriver, mais comme si ça se pouvait pas. Donc, c'est un questionnement, la vie, la mort, tout ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. Donc, La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï. Merci beaucoup, Marie-Pierre Laforêt. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Et moi, j'ai pratiqué mes noms russes pour la prochaine année. Hein. Un auteur comme ça, est-ce qu'il a besoin de mettre autant de noms de famille dans son roman? Quand même. Non, c'est pas nécessairement des noms de famille parce que souvent, c'est leur deuxième nom. Ah, ils sont trop longs, là. Et ils se font appeler, tu sais, on entendait dans le dernier extrait Vania, mais c'est souvent un petit surnom ou quelque chose comme ça. Donc, au début, quand tu lis le roman, t'es comme oh, Pelaire, parce que des fois, les personnes, ils les nomment selon leur long nom, mais des fois, c'est le diminutif. Ouais. Donc là, tu sais plus trop qui. C'est comme Marie-Pierre ou MP, mais avec des noms plus compliqués que ça. T'sais. Ouais, mettons, c'est comme si mon nom, c'était Marie-Pierre, mettons, un nom du milieu, Catherine. Ouais. Puis, mettons, la Forge Bourret. Oui, parce que t'as besoin de nom. Comme s'il m'appelait Catherine, des fois, tu sais. Fait que là, tu sais plus trop qui. Alors, voilà. Merci, Mappy Lafbo. Quoi? Mm-hmm. Je prends les premières syllabes de chacun de ces noms. Oh! Hein? Tu fais bien de mentionner. Mappy Lafbo. Mappy Lafbo. Laisse donc faire. Bon. Parfait. On va dans deux semaines. Ouais. Deux semaines. Hey, je peux-tu entendre la patara tantôt? Oui, là, là? Ben, c'est comme tu veux. Ben, si tu le demandes, moi, je te le donne quand tu veux. Fait que. Ah, mettons là, mettons ici. Hein. Comme ça? Ben oui. Ok. Ah. Juste pour toi. Ouais, ça fait du bien. Mappy Lafbo. Bye. Salut. Des pacemakers pour Marie-Pierre, la Forge Bourret. Oui. Mappy Lafbo. Mathieu qui vient de me dire assis-toi. Ben là, assis-toi. T'es en train de partir sur une anecdote, toi là. Une anecdote que sûrement qu'il vaut pas la peine de te raconter. Non, c'est non ça. Certainement pas. Des fois, je le demande, mais pas cette fois-ci. Je sais que c'est. Donc, merci Marie-Pierre. Merci beaucoup. Oui. Merci à Jean-Michel Renaud. Merci. De la formation Histoire. Oui, Roxane Dulon. Dulon, vice-présidente à l'interne à l'association étudiante en ergothérapie. Voilà. À Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné. À toi, François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Yeah, passez une excellente journée. Restez sur nos ondes parce que. Comment, vas-y. Merci aussi à Audrey Tremblay qui vient de nous amener des muffins. Donc. C'est vrai. Nourri. On parle aussi d'elle. Audrey Tremblay, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Bien sûr. J'allais dire, donc, restez sur nos ondes pour l'émission Faut bien en rire à partir de 10h. C'est notre talk show sur différents sujets de la vie de tous les jours. En 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, les filles de Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, David Ferron avec la langue dans ton oreille. Oui. C'est ça. 16h, Le Voyage de Céline, 17h, album classique. Et puis en soirée, à 19h, c'est du métal et de l'horreur avec réanimation. On se retrouve demain matin à 7h avec Jasmine Raymond-Drainville. Qui est-ce qu'on a demain? Anne-Julie Durocher de la GEQTR. Oui, exactement. C'est qui nous écoute là, dans sa salle de bain. Oui. En train de... Puis lui, François, là, faut le dire, François était sur Facebook, OK, puis il a dit, la chronique CNX s'en vient, fait que t'iras aux toilettes, genre... c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais il a dit... Non, ça voulait dire... Je suis pas certaine de comprendre, mais... Il aime pas ma chronique. Il est pas fin, quoi. Mathieu Plante. Pas contre ma chronique. Mathieu Plante. En tout cas. Tu fais bien petit. On se quitte avec On a créé un monde 5.0. OK. Hey, bye. Bye, François. Bye, bye. Bye, Marie-Pierre. C'était le fun. C'était comme plus doux. Ouais, c'était comme plus doux, hein, son bye-bye qu'elle mien. Ouais. Il y a plus l'air de venir vraiment du cœur, tu sais. Plus profond. Toi, ça vient de ta bosse, c'est ça. Ben quoi? Hein? J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui chantent sur le moment. Et le vent qui déchire ma 5.0. Et les chevaux sous mon capot. Je mets tout de côté pour tempérer. Je lève le son de ma radio. So